Bordel, Yann, tous les lundis, c'est la même histoire. Dès que j'arrive au poste, mon crétin de chef me dit... Alors, McLean, on a encore écouté son petit Yann Harris à fond l'ampli dans son petit appartement ce week-end. On s'est bougé le popotin comme un genou. Je t'en foutrais, moi, du genou. Tu sais ce qu'il dit, le genou? Bouffon. Hot mix, Yann, mon petit Yann, je te le demande comme une faveur. Prends-moi comme assistant dans ton hot mix. C'est vrai, quoi, je peux plus travailler avec des cons pareils, moi. Tu veux mon CV? Yann Harris, résolument rebelle. Welcome on Hot Mix by Yann Harris. Every week to over 90 of the world's biggest and coolest radio stations worldwide. Hot Mix. The pure selection of Yann Harris. Yann Harris. Welcome to the Yann Harris world. This is Yann Harris. Listen and let you go. Let's keep it real. Thank you. Connect you on 3w.hotmix.fr. of your mind. We'll be right back. Ian Harris Live. the Ian Harris Mind. Abonne-toi vite au podcast de Ian Harris. Pour ce soir, j'ai invité Ian Harris à dîner. Comme ça, pour le dessert. Il nous fera bien un petit mix maison, rien que pour nous. Hein? Ian Harris, résolument rebelle. Ian.